ma peau, irise mes sens, ronge ma chair. Les nerfs se tendent, mes défenses se rétractent. Insidieuse et sensuelle, il se répand dans mon sang. Ton saint sanctuaire m'appelle. Sacrifice sur l'autel de mon plaisir. L'expression prime, virus mon amour, empire immense de ma démence. Pas d'anticorps, pas de vaccin, ton virus m'inonde et me dévore. Au corps à corps, plus de décence. Ton virus couronne le centre de mes trans. Le virus s'installe en moi. Il devient moi. Se développe et métastase. Méta-extase. Par strate. En phase. Par phase. Je paraphrase l'extase. L'expression prime, virus mon amour, empire immense de l'indécence. L'expression prime, virus mon amour, l'envie s'exprime de ma semence. L'expression prime, empire des sens, emprise immense de ma démence. L'expression prime, virus mon amour, empire immense de l'indécence. L'expression prime. Expression prime, virus mon amour.